prière est une très bonne chose. Maombi ni kitu kizuri sana. Un véritable chrétien doit aimer la prière. Mukristo wa kweli anapaswa kupenda maombi. Même lorsqu'on est régulier à l'église, hata wakati ile unakuja kila siku kanisa, on assiste au réunion de prière, de la prédication. Unafika kumikusaniko ya mahubiri. Mais si votre vie n'est pas accompagnée avec une vie de prière, lakini kama maisha yako haisindikizwe na maisha ya maombi, vous ne verrez rien dans votre vie. Hautaona kamwe kitu mu maisha yako. Vous aurez une simple connaissance. Utakuwa na ufahamu ya bule. Mais vous serez toujours incapable de vivre la parole que vous écoutez. Lakini hautakuwa na uwezo ya kuishi neno la Mungu ile unasikia. C'est pourquoi Dieu a doté à son église trois choses importantes. Je kamana Mungu alipatia kanisa yake vitu vitatu vya mafaa kabisa. Dieu a donné la parole. Mungu alileta neno lake. Il a donné le Saint-Esprit. Alileta Roho Mtakatifu. Et il a donné aussi la prière. Alileta pia na maombi. C'est ça qui fait la force d'un véritable croyant. Il est Dieu qui nous fait une nguvu ya mwaminifu wa kweli. Un frère ou une sœur qui prie beaucoup. Duku wala dada ule kunaomba sana. C'est difficile pour lui de tomber. Iko nguvu kwake kuanguka. Il résiste au péché. Atashindana sana na dhambi. Il résistera à toutes les tentations de l'ennemi. Atashindana na majaribu yote ya adui. Et il a une obéissance automatique dans son cœur. Parce qu'il est tout le temps sous l'onction du Saint-Esprit. Et Dieu aime cela dans l'Église. Nous avons beaucoup de troubles dans nos vies. Nous avons beaucoup de troubles dans nos foyers. C'est parce que nous ne voulons pas prier sur les problèmes que nous rencontrons. Il y a certaines choses qui ne demandent pas de discussion. Mais qui demandent la présence de Dieu dans votre vie. Dans votre foyer. Même pour changer de caractère. Hata pa wewe kubadilika tabia. Pour avoir une meilleure compréhension de la parole de Dieu. Pa wewe kuwa na kuelewa kuzuri kwa neno la Mungu. Il faut être un homme de prière. Inapashi ukue mtu wa maombi. C'est pourquoi vous avez vu au début de cet enseignement. Joko mana muliona kumwanzo ya hii mafundisho. En parlant précisément de Daniel. Kusema zaidi yule ya Danieli. Daniel avait une vie de prière permanente. Danieli alikuwa na maisha ya maombi ya kila wakati. Il lisait la parole de Dieu. Alikuwa anasoma neno la Mungu. Il priait. Alikuwa anaomba. Et c'est dans la prière. Na ni ndani ya maombi. Que l'ange Gabriel est venu le rencontrer. Jomule malaika Gabrieli alikuwa kukutanishana naye. Et c'est pendant qu'il était dans la prière. Na ni wakati alikuwa mu maombi. Que toutes les révélations que nous sommes en train de parler ici lui ont été données. Jo pale mafunuo yote hii tukunasemea hapa alikuwa kupatia hiyo. Tout le temps dans la présence du Seigneur, wakati tuku kila wakati muwepo wa Bwana, nous donnons l'occasion à Dieu tunampatia Mungu wakati, d'envoyer ses anges pour nous visiter ya kutuma ba malaika yake juu batutembelele, et le Saint-Esprit na Roho Mtakatifu nous conduira en toute chose. Atatuongoza mukila kitu. Que Dieu bénisse toute l'Église. Mungu abariki kanisa mzima. Que Dieu bénisse son serviteur que Dieu a utilisé pour nous exhorter. Mungu abariki mutumishi yake ule alitumia juu ya kutu. kusubutisha. Nous devons aimer la prière. Tunapasha kupenda maombi. Parce que l'église ne peut pas exister sans prière. Kwani kanisa yezu kuwako bila maombi. La vie de la chrétienne, la vie chrétienne ne peut pas exister sans prière. Maisha ya kikristo yezu kuwako bila maisha ya maombi. Que le Seigneur vous bénisse. Bwana Mungu avibariki. Levons-nous pour la lecture de la parole. Tusimame juu ya kusoma neno la Mungu. Dans son verset 18, Mustari ya 18, Apocalypse 18, Ufunuo sura 18, nous commençons au verset 1, Tanzia mustari ya kwanza, jusqu'au verset 4. Kufika na mustari ya 4. Seigneur, merci. Bwana santi. Le matin a été une bonne journée pour nous. Asubuhi ilikuwa jioni mzuri kwetu. D'être dans ta présence par la voie de la prière. Ya kupatikana muwepo wako kupitia njia ya maombi. Exauce chaque prière qui t'a été adressée ici. Ukubali kila ombi ile walikuomba pa hifadhi. Exauce chaque sacrifice que tout frère et toute sœur a fait. Kukubali kujitoa kote kule nduku na dada alifanya. Que le Saint-Esprit puisse réanimer notre vie. Roho Mtakatifu apate kutia nguvu maisha yetu. Et qu'il donne la force de marcher. Na tupatie uwezo ya kutembea. Jusqu'à la fin de notre séjour terrestre. Kufika na mwisho ya maisha yetu pa dunia. Bénis la parole que nous allons lire. Ubariki neno ile tutasoma. Soit avec nous. Uwe nasi. Au nom de Jésus-Christ. Mujina Yesu Kristo. Nous te le demandons ainsi. Tunakuomba hiyo hivi. Amen. Amina. Apocalypse 17. Ufunuo sura 17. Dans son verset 18. Mstari wa 18. La femme que tu as vue. Mwanamke ule uliona. C'est la grande ville. Ni ile mji mnene. Qui a la royauté sur le roi de la terre. Yenye kwa na ufalume yulu ya bafalume bapadunia. Sur toute la terre. Padunia mzima. Il n'y a que Vatican. Kuko tu ni paka Vatican. Qui a la domination. Jo iko na utawalo. Qui a la royauté. Iko na bafalume. Donc dont sa royauté est reconnue par tous les rois de la terre. Manake bufalume bwake bunajulikana na bafalume bote pa dunia mzima. Tous les présidents de la terre. Bunajulikana na baraisi bote pa dunia. Après cela, j'ai vu descendre du ciel un autre ange. Kisha ile nikaona shuka toka mbingu malaika mwingine. Apocalypse 18 verset 1. Ufunuo sura 18 mstari ya kwanza. Qui avait une grande autorité. Ule alikuwa na mamlaka mkubwa. Et la terre fut éclairée de sa gloire. Na dunia iliangaziwa na utukufu wake. Il cria d'une voix forte disant. Alilalamika na sauti mkubwa na kusema. Elle est tombée. Inaanguka. Elle est tombée. Anaanguka. Babylone la grande. Babeli mkubwa. Elle est devenue une habitation de démons. Inakuwa makao ya mademona. Un repère de tout esprit impur. Roma ya mapepo yote mchafu. Un repère de tout oison impur et odieux. Na boma ya bandeke bote bachafu na babaya. Parce que toutes les nations. Kwani mataifa yote. Ont bu du vin de la fureur de la débauche, de sa débauche. Ilikunywa mvinyo ya makasirani ya busharati bwake. Que les rois de la terre se sont livrés avec elle à la débauche. Manake bafalme wapa dunia balijitoa naye mubusharati. Et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Bafanya biashara bapa dunia banajitajirisha kupitia uwezo. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait. Nikasikia toka mbingu sauti ingine ile ilikuwa nasema. Sortez du milieu d'elle mon père. Tokeni katikati yake taifa yangu. Afin que vous ne participez point à ses péchés. Ili mushishiriki kuzambi yake. Et que vous n'ayez point de part à ce fléau. Na ili mushishiriki kumapiko yake. Car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel. Kwani mazambi yake inayala kufika na kumbingu. Et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Na Mungu anakumbuka mauovu yake. Vous asseoir. Munawezi kuikala. Oui, bien-aimés frères et sœurs. Dio nduku na dada mpendwa. Nous vivons le temps de la fin. Tukunaishi mwakati ya mwisho. Nous vivons tukunaishi au temps de la conclusion de l'histoire de l'humanité. Tukunaishi mwakati ya kumaliza hadithi ya watu pa dunia. Nous vivons au temps tunaishi mwakati où l'histoire ou le plan du salut mule hadithi wala mapu ya wokovu pour les nations est amené maintenant à son terme. Mataifa inafika sasa kumwisho. Et pendant ce temps dans lequel nous vivons actuellement, mui wakati mwenyewe tu kunaishi hapa sasa, chaque frère et chaque sœur, kila ndugu na kila dada, qui attend le retour du Seigneur Jésus-Christ, ula anachunga kurudi kwa Bwana Yesu Kristo, doit prêter attention, anapashi kuteka sikio kusokoka, à tout ce qui se passe dans son cœur, yote inafanika mumoyo wake, à tout ce qui se passe autour de lui, anapashi kusopoka kwa yote inafanika kando kando yake, à tout ce qui se passe dans le monde, kwa yote inafanika mdunia, particulièrement, kwa upeke, avec cet homme de pape na huyu mtu papa wa Roma, particulièrement kwa upeke, avec ce qui se passe avec Israël, na ile kunafanika kule ku Israeli, et particulièrement na kwa upeke, avec ce qui se passe dans l'Europe unie, na ile nafanika mumoja ya Ulaya, particulièrement kwa upeke, avec le comportement des États-Unis d'Amérique, na namna kutenda wala kujongoza ya Amerika, et des pays arabes, na ya mainchi ya Waarabu. L'histoire de la fin du monde, mambo ya hadithi ya mwisho ya dunia, est concentré sur ces pays que je viens de citer. Ah, inasimamia zaidi pa mainchi minatoka mkutaya. Ce sont les acteurs principaux qui vont entraîner le monde à sa fin. Aba, njo batendaji kabisa kabisa bale batasukuma ulimwengu ifike kumwisho. Il y a Vatican. Kuko kwanza Vatican. Il y a Israël. Kuko Israeli. Il y a l'Europe unie. Kuko umoja wa Bulaya. Il y a le pays arabe. Kuko mainchi ya Bulaya. Il y a les États-Unis. Kuko na Amerika. Il y a la Russie. Kuko Rusia. Que Frère Branham appelait. Ile nduku Branham alikuwa naita. Et la Bible appelle. La Biblia inaita. Le roi du Nord. Mufalme wa Kaskazini. C'est vrai, frère. Ni bya kweli nduku. Comme nous avons dit. Paka vile tulisema. Il ne faut pas oublier cela. Mushi sabu. Tout est en train de s'installer. Yote biku na wekewa pa fazi yabio. Tout s'apprête. Yote inatayarishiwa. Pour que l'Antichrist. Juu ya mupinga ya Kristo. Prenne le contrôle de toutes choses. Apate kuchugua ongozi ya kila kitu. Observez les comportements de l'Église catholique actuellement. Mwangalie namna ya kutenda kwa kanisa katoliki hapa sasa. Observez les comportements de l'Europe. Mwangalishe namna ya kutenda kwa Bulaya. Observez les comportements. Mwangalie namna ya kutenda des États-Unis. Ya Amerika. Observez les comportements de l'ONU ya muungano wa mataifa et du Conseil mondial des églises. Na ya shauri mzima ya makanisa. Ce n'est pas un temps où il faut dormir. Haina wakati tena ya kulala. L'église catholique de Rome. Kanisa ki katoliki ya Roma. Depuis longtemps a joué un très grand rôle. Tangia zamani ilikuwa na kazi munene. Dans la politique mondiale. Musiasa ya ulimwengu mzima. Depuis que le royaume de Rome a pris contrôle. Tangia ufalme wa Roma ilichukua uongozi. De toute la terre. Ya dunia mzima. L'église catholique. Kanisa katoliki. A été la pièce maîtresse. Yonjo ilikuwa shina ya katikati. De tout ce qui s'est passé depuis que l'Empire romain est à la commande. Ya yote ile kunafanika tangia tu ufalme wa Kiroma inachukua uongozi. Et je le dis encore une fois. Na isema tena mara nyingine. Même aujourd'hui. Hata leo hii. La politique mondiale. Siasa ya ulimwengu mzima. Est pilotée par Vatican. Inaongoziwa na Vaticano. Ne l'oubliez jamais. Mshisabu kama ile. C'est vrai. Bien kweli. Comme je le disais hier. Baka vile na lisema jana. Nous avons deux grandes puissances. Tukuna mawezo ou trois grandes puissances. Voilà, mawezo tatu. Nous avons les États-Unis. Tukuna Amerika. Nous avons la Russie. Tukuna Russia. Et nous avons l'Europe. Na tukuna Bulaya. Mais ces trois grandes puissances. Lakini mawezo yote tatu. Sont pilotées. Dans leur politique. Siasa yabo. Par Vatican. Na Vatican. En particulier. Kwa upeke, par le pape. Inaongozwa na papa. Qui est le chef spirituel. Mwenye kwa mkubwa wa kiro. Le chef de l'État. Yenjo mu. De la cité. Yenjo mkubwa wa taifa ya Vatican. Que ce soit dans les guerres mondiales que nous avons connues dans ce monde, l'Église catholique Kanisa katoliki a joué un très grand rôle. Alikuwa na kazi munene ile alitumikamo. C'est vrai. Ni kweli. Que ce soit dans l'unification de l'Europe. Ikiwa tamu kupatanisha muungano ya Bulaya. Que ce soit politiquement, ikiwa mukisiasa, économiquement, mukiuchumi, d'une manière religieuse, au mukinamuna ya kidini, le Vatican, ni Vatican, qui a joué ce grand rôle, ndio alifanya ile kazi munene, pour que l'Europe soit unie, juu ya Bulaya ipate kuungana, dans sa politique, musiasa dans sa monnaie, wala mufeza, dans son économie, wala muuchumi yake, même militairement, hata mukijeshi. Donc ce n'est pas, manake haina, un homme qu'il faut minimiser. Aina mutu wa kuwezi kubeula kusula pana. Oui, bien aimé frère. Dio ntuku mpendwa. C'est l'église catholique. Ni kanisa katoliki. Qui y avait lancé. Joiri leta. Ce mot d'ordre. Leta gizo. De dire qu'il faut qu'il y ait un nouveau monde. Ya kwamba inapashi kukwe ulimwengu mupya. Un nouveau ordre mondial. Ah, kukuwe agizo mupya ya ulimwengu de l'église catholique. Kukuwe agizo mupya ya ulimwengu mzima ni chini ya uongozi ya kanisa katoliki. C'est pourquoi dans la lecture. Kwa maana mkusoma. J'ai pris quelques dates. Nalichukua kama anwani fulani. Pour vous faire voir comment l'église catholique. Ya kumionyesha namna gani ce rôle de réconciliateur. Ili tumike kazi ya upatanishi. Elle est la pièce maîtresse. Ya yonjo shina ya katikati. Pour traîner tout le monde. Ya kupeleka bantu bote. Dans ce qui se fait actuellement. Mwile kunafanika leo. Le 24 décembre. 24 décembre 1941. Le pape Pie XII invita tous les pays européens. Arialika mainchi yote ya Bulaya. Et les invita na aribalika à construire une nouvelle Europe. Mapate kujenga Bulaya mupya. Et un monde nouveau. Mapate kujenga ulimwengu mupya. Et c'est dans la réunion. Na ni katika mkusaniko. Que le pape Pie XII. ile huyu pape Pi wa 12 avait convoqué tous les pays européens alialika mainchi yote ya bulaya le 24 décembre 1941 pour qu'ils construisent une nouvelle Europe. Ili wapate kujenga bulaya mupya. Et à partir d'une nouvelle Europe, na kuanzia kwa bulaya mupya, qu'ils construisent un nouveau monde. Wapate kujenga ulimwengu mupya dunia mupya. Qu'est-ce que c'est? Ni nini ile? C'est la quatrième bête. Uyu njo nyama wa ine. Qui était au travail. Ula alikuwa mkazi. Ce qui a été arrêté. Il va dire tu quoi ça va impango. Dans cette réunion. Mouille mukusaniko. Fut plus tard matérialisé. Kisha yayo ilionekana waziwazi. Katika tendo. L'Europe unie. Mungano ya Bulaya. Après la deuxième guerre mondiale. Kisha ile vita ya pili ya ulimwengu mzima. L'Europe a dû réellement s'unir. Bulaya kweli kweli ilijiunga. Et le monde entier a pris notre forme. Na ulimwengu mzima ilichukua hali ingine. Ce n'était pas un homme. Haikukwe mtu. C'était Satan pour accomplir la parole de Dieu. Alikuwa ni shetani alifanya vile juu ya kutimiza neno la Mungu. Le 20 mars. Le 20 mars 1953. Une proclamation est sortie, disant. Tangazo moya ilitoka na kusema. Peuple d'Europe. Mweye bakaji babulaya. Unissez-vous. Mungane. L'Église catholique. Kanisa katoliki. A lancé ce mot d'ordre. Il est à Yagizo. Vous les peuples d'Europe. Mwenye bakaji ba bulaya. Réveillez-vous. Mwamuke. Unissez-vous. Na muungane. Pourquoi? Djianini. Ce mot d'ordre. Djianini la Yagizo. L'Église avait besoin de contrôler le monde entier. Mkanisa litaji pate kongoza ulimwengu mzima. La deuxième guerre mondiale les avait un peu déséquilibrés. Et vite ya pili ya ulimwengu mzima ilibatenkesha. Et cette annonce fut entendue. Na itangazo balisikia. Le 25 mars. 25 mars. 1957. 1957. Vous remarquerez que 4 ans plus tard, mutaona kwamba kisha miaka ine, c'est la naissance jo kulikuwa kuzalika de la communauté kwa mkusaniko économique ya uchumi européenne ya bulaya. L'Église ne faisait pas de théâtre. Kanisa haikuwa inacheza pana. L'Église catholique ne faisait pas de théâtre. Kanisa katolika haikuwa inafanya michezo hapana. Elle s'est mise à l'œuvre. Il y a un zakutumika. Pour unifier. Jakunganisha. L'Europe qui était divisée. Bulaya ile kwenye gawanika. Parce qu'après la guerre mondiale. Kwani kisha vita ya ulimwengu mzima. L'Allemagne fut divisée en deux. Allemagne ile gawanika mvipande mbili. Et Frère Branham a prophétisé. Nanduku Branham alitabiri. Il dit, il a prophétisé avant que l'Allemagne ne soit unifiée. Alitabiri mbele ya Ujerumani ipate kuunganishwa. En disant, alisema, que lorsque vous verrez, ya kwamba wakati mtaona, l'Allemagne réunifiée, Ujerumani inajiunga, à ce moment-là, mwile wakati, l'Empire romain, ufalme ki Roma, a atteint ses limites qu'il avait. Inapata mpango mpaka yake ile alikuwa anatafuta. Même au temps de Jésus. Hata mwakati ya Yesu. il a retrouvé anapata les limites qu'elle avait mpaka ile alikuwa nayo au temps de Jésus. Wakati ya Yesu. C'est ce qui fut. Jo ile difanika. Aujourd'hui l'Allemagne est unifiée. Leo hii Ujerumani inaisha kuungana. Parce que la parole de Dieu doit s'accomplir. Kwani neno la Mungu inapashi itimilike. Dieu accomplit ses prophéties. Mungu alitimiza ile matabiri. Avec n'importe qui. Kupitia na mtu wote wote. Avec les politiciens. Na wafanya siasa. Avec les religieux. Na watu wa kidini. Avec même les athées. Na watu wasipokuamini Mungu. Il est le maître. Kwani yeye ni mkubwa. De toutes choses. Wa vitu vyote yeye ni kiongozi wa vyote. Il connaît bien l'histoire du monde. Mungu anajua mzuri hadithi ya ulimwengu. C'est pourquoi il l'a fait consigner dans la Bible. Kwa maana aliandikisha mu Biblia. Pour que les élus marchent dans la clarté et qu'ils ne dorment pas dans le péché. Vous voyez, après cet appel kisha ile mwito à tous les peuples de l'Europe ya bakaji bote babulaya, de s'unir le 25 mars 1957, 4 ans plus tard, on a vu la naissance de la communauté économique européenne. Na muungano ya kiuchumi ya bulaya. C'est vrai. Ni kweli. Le 12 septembre. 12 septembre 1958, l'archevêque de Milan, Montini, consacra la Madone, la Madone, c'est cette idole. Ah, manake akatolea cette image qui représente la Vierge Marie. Ah, isanamu ya kuonesha Malkia Maria. La Madone. Ya Madone. La représentation. Yonesho. D'une Vierge à l'Europe. Ya ubikira kubulaya. Qui porte le nom. Yenye kuchukua jina. Notre Dame chérie. Manake Malkia wetu mpendwa. Na yeye ndio Malkia wa kubulaya. Cette Madone. Ule Madone ule. Que l'archevêque de Milan. Ule askofu mkubwa wa kumila. Avait consacré le 12 septembre. Alitoleaka ile siku ya 1955. Représentait une vierge. Alikuwa naonekanisha bikira kubulaya. Cette Madone. Na ule Madone ule. Était nommé. Balikuwa namuita. De Notre Dame chérie. Ya kwamba Malkia wetu mpendwa. Et la patronne. Na mkubwa. De l'Europe. Wa bulaya. Une fausse interprétation. Matafsili ya bongo. De l'Apocalypse 12 verset 1. Ya Ufunuo 12 mstari ya kwanza. L'Église catholique. Kanisa katoliki. Dans son interprétation de l'Apocalypse, chapitre 12, verset 1, parce que cette d'Apocalypse 12, 1, est Marie. Ya kwamba, alikuwa ni Maria. La Bible dit ceci, Biblia nasema hivi, un grand signe parut dans le ciel, alama mkubwa ikaonekana mbinguni, une femme enveloppée du soleil, mwanamke mmoja mwenye kufunikwa na jua, la lune sous ses pieds, na mwezi kumigulu yake, et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Na taji ya manyota 12 kwa kichwa yake. L'Église catholique pense que c'est Marie. Kanisa katoliki na wazia kwamba huyu mwanamke ni Maria. C'est ainsi que toute l'Europe ni moyina muna bulaya yote mzima fut consacrée ilimutolea entre les mains de Marie. Ilitolewa mu mikono ya Maria. Leur dame chérie. Huyu Malkia wabu mpendwa. Et la patronne de l'Europe. Na yeye ndio mkubwa wa bulaya. Et pourtant cette église et cette femme ici Japo, yu, mwanamuke, représente l'église du Seigneur eko, ni, kionesho, kia, kanisa, ya, qui est revêtue de la grâce. Yenye, kuvaa, na, neema, vous voyez unaona, qui sous ses pieds il y a l'Ancien Testament na, kumikulu yake, kuku, agano, la, kale, et elle est couronnée ana, de douze apôtres. Il y a une avantage à de 12 apôtres. Ya, mitume kumi na mbili. Une église qui est entièrement fondée kujengwa kabisa sur l'enseignement chini ya mafundisho de 12 apôtres. Ya, mitume kumi na mbili. Ce n'est pas Marie. Uyu ana Maria, apana. Ce n'est même pas l'Europe. Ana tabulaya. Ce n'est pas l'église catholique. Aina ta kanisa katoliki. C'est l'église du Seigneur. Ni kanisa ya Bwana Mungu. Que l'église catholique interprète forcément. Il est kanisa katoliki na tafsiri mbaya. Pour montrer que c'est Marie. Tu as connu sema ni Miriam, Maria. Voyez bien mes frères. Na ndugu mpendwa. Et l'église et l'Europe. Na Bulaya. Fut consacrée entre les mains de cette idole. Katolewa mumikono ya hii sanamu. Le pape Jean-Paul II. Paulo, papa Jean-Paul II. Après que l'Europe fut consacrée kisha Bulaya kutolewa, entre les mains de la Madone, mumikono ya uyu Madone, il déclare, Jean-Paul, pape Jean-Paul II déclare, uyu pape Jean-Paul II anatangaza, tournons à nouveau nos regards na kwamba tugeuze tena macho yetu vers la main du sauveur du monde, wa uyu mama wa mokozi wa ulimwengu, la femme de la révélation mystérieuse de Jean. Muke wa ufunuo ya siri ya la wana. Femme revêtue du soleil. Mwanamke mwenye kuvaa jua. Quelle confusion. Mufuruko kanile. Parce que pour l'église catholique, kwani mbele ya kanisa katoliki, comme Marie a donné naissance à Jésus. Kawa yule Maria alimzaa Yesu. C'est elle maintenant. Manawazia kwamba ndiye sasa ni yeye. Qui doit intercéder pour eux. Jana pashi kubaombea. Parce que la mère. Wani mama. A beaucoup d'influence sur son fils. Eko na mvuto mingi yule ya mwana wake. Ce sont des gens charnels. Ni batu ya kimwili. Qui comprennent les choses d'une manière charnelle. Anaelewa bitu mnamna kimwili. Et quand ils lisent la Bible qui dit, wakati wanasoma Biblia yenye kusema, entre les hommes et Dieu, ya kwamba katikati ya batu na Mungu, il n'y a qu'un seul médiateur, huko tu mupatanishi moya, Jésus-Christ homme. Yesu Kristo mutu. Et quand ils lisent ça, wakati ils ne comprennent pas. Abaelewe kitu. Pour eux, celui qui doit faire la médiation, c'est Marie leur Madone. Ni Maria Madone wabo. Vous voyez, avec de telles déclarations, unaona na misemo ya hivi, ça prouve les ténèbres ikunahakikisha magiza qui demeurent dans le cœur de l'église, des chefs des églises catholiques, yenye kupatikana mumioyo ya viongozi ya kanisa katoliki, la femme de la révélation mystérieuse de Jean, mwanamke wa ufunuo ya mastajabu ya Yohane, mystérieuse Wasiri, wasiri wa Yohane. La femme revêtue du soleil. Mwanamke mwenye kuvaa jua. Et arrivé le 16 septembre 1978. Fika le 16 septembre 1978. L'évêque docteur Grabin. Askofu docteur Rabin. Grabin. Déclara. Naye alisema. J'ai réclamé. Ya kwamba naliomba. Une internationale maritale européenne. Naliomba mama wa ulimwengu mzima wa Bulaya. Une internationale wa ulimwengu maritale européenne. Mama wa Bulaya mzima wa ulimwengu mzima wa Bulaya. Cette Madone. Ule Madone wabo. Que l'Europe d'abord a commencé par adorer. Ule bulaya ilianzia kwanza kumwabudu. Il faut qu'elle soit adorée par le monde entier. Unapashi ba mwabudu limwengu mzima. Mais c'est ce qui est arrivé. Nanjo ile rifika. Quand nous allons à la morgue, vous n'entendez pas les catholiques chanter Muntu wote, muntu wote na, na mama yake. Na mama yake. Chaque personne avec sa mère, mais la mienne c'est Marie. Manashunguruka kando kando ya sanduku. Muntu wote na mama yake. Sa mère. Babel Frenchy. Chacun a sa mère, mais la mienne c'est Marie. Muntu yote na mama. Chaque personne a sa mère, mais la mienne c'est Marie. C'est comme ça. Ah, kila muntu na mama yake. Chaque personne a sa mère, mais la mienne à moi c'est Marie. C'est comme je vous disais hier. Mpaka vile nalimwambia jana. Avant la tena atana haya. Ils n'ont plus honte. Ya kutangaza bintu vya bongo. De proclamer des fausses choses. Maintenant, des hommes et des femmes charnels. Wanamke na wanaume wa kimwili. En voyant seulement leur robe. Yesu wa bongo. Ils mettent le faux Jésus. Avec un cœur et une croix. Les femmes portent des foulards. Comme des païens. Wanapenda bintu vya cérémonie, ils font des choses avec beaucoup de cérémonies et porter des histoires. Et vous trouvez les pauvres, les riches, les batajiris, pour seulement mettre une uniforme là où on a mis la photo de Marie et de Jésus. Alors ils croient qu'il y a des fausses choses. Ceux qui chantent là, abalande mumaro yabo beko na imba bile banaamini. Ils ne mentent pas dans leur cœur, ils chantent ce qu'ils croient dans leur cœur. Ce sont des idolâtres. Ni babudwai basanamu. Ataone basura biblia. Abawezi kushikia. Même si vous ne lisez la Bible, ne faites pas comprendre. Depuis qu'ils sont enivrés. Enivrés des vins de l'église catholique. Lorsque quelqu'un est enivré, il n'a plus un bon sens. Il n'a plus un bon sens. Il commence à voir toutes les choses à l'envers. Quelqu'un qui est ivre, il peut te voir toi habillé en rouge, mais lui te dira que tu es habillé en blanc. C'est ce qu'il voit dans son ivresse. Lorsque quelqu'un est ivre, celui qui marche, il marche maladroitement, mais il va voir que tout le monde marche maladroitement. C'est parce qu'il n'a plus un bon sens. Il va commencer à voir des gens marcher la tête en bas et les pieds en haut. L'ivresse, même dans les domaines physiques, c'est pas bien d'être ivre. L'ivresse diminue l'intelligence. Ça diminue ma réflexion. Quand quelqu'un est ivre, il ne pense plus correctement, il raisonne plus correctement. Et la Bible dit, la Bible est assez que cette église y a, quoi, bah, y canisa, a enivré la levisha, tout le monde bantu bote, bana levika, kwa jili ayo, de son vin, bana lewa, de ses enseignements, yake, ya mafundisho yake, mafundisho ya bongo. Voyez, munaona, j'ai suivi un prêtre de Mbujimayi. Milifuata padiri moya wa Mbujimayi. Qui répondait, je pense à Marcelo, un pasteur de Kinshasa. Arkwana Uliza, Arkwana Jibu kuma Uliza Marcelo. Nakusema. Pour défendre son église. Ya kombania kanisa yake. Vous pouvez attaquer l'église catholique. Unaweza kombanisha kanisa katolika. Vous ne saurez pas. Hautaweza kuikombanisha. Il y a beaucoup de gens qui l'ont attaqué. Huku bantu mingi bali kombanisha. Mais ils sont tombés. Alakini bali anguka. Mais l'église. Alakini kanisa. Et bâtisse le roc. Inayengwa yuri ya mwamba. Milele na milele. C'est un mensonge ça. Elle est en train d'accomplir les prophéties du temps de la fin. Elle n'est pas l'église du Seigneur. C'est l'église de Satan sur la terre. Daniel et Jean avaient déjà vu. C'est parce que les gens sont aveuglés. Ils ne comprennent pas. Batu wanapofushwa njo pale abaelewe. Et ce que l'archevêque docteur Rabert, Askofu mkubwa huyu docteur Rabert, avait dit qu'il a lissemaka le 16 septembre 1978. Le 16 septembre 1978. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Nancho kile tukunaona leo. Mais ce qui est drôle, tellement que les gens sont ivres. Kavile bantu banalefika sana. Des enseignements de cette église. Nama fundisho ya ikanisa. Ils croient n'importe quoi. Deko naamini azuru bitu gani. C'est très grave. Ni hatari. Les 12 étoiles. Manyota 12. Du drapeau européen. Ya ile bendera ya Bulaya. Confirme la prédominance. Ikuna kikisha kutawala. De l'église catholique de Rome. Wa kanisa katoliki ya Roma. Pour prouver réellement que. Ya kwa kikisha akika ya kwamba. L'église, donc l'Europe, toute l'Europe, est dominée par l'église catholique. Vous verrez dans toutes les traces, dans ce que fait l'Europe unie, il y a les signes de l'église catholique. Muko alama ya kanisa ya katoliki. Même lorsque l'euro avait été conçu comme une monnaie pour l'Europe unie. Ata wakati ile walitunga hii fedha ya euro sawa fedha ya ungano ya Bulaya. Vatican s'était imposé. Vatican. Pour que l'euro. Vatican aliweka mkazo yake. Pour que l'effigie du pape. Vya kwamba kutembelewa kwa papa. Soit gravé sur l'euro. Aliweka mkazo yake ya kwamba uso ya papa ipate kuonekana pa fedha ya euro. Vatican. Vatican. L'or de l'euro, de la fabrication de l'euro. Wakati ile walitunga hii fedha ya euro ya Bulaya. Bien que les restes des dirigeants ata vile mabaki ya viongozi de l'Europe n'étaient pas d'accord. Ya Bulaya haikukubali. Mais Vatican lui s'était imposé. Vatican yeye aliweka mkazo. Pour commettre l'effigie du papa kuweka uso du pape de Rome. Ya papa wa Roma. Sur l'euro. Pa hii fedha ya euro. Et c'est ce qui fut fait. Na njo ile walifanya. Il y a plusieurs monnaies kuku, en pièces. Ya chuma, ya biuma, sur lesquelles il y a l'effigie du pape. Pale peko uso ya papa. Parce qu'il est le chef de l'Europe. Wani yeye ndio mkubwa wa Bulaya. C'est lui qui commande tout. Ni yeye anaongoza vitu vyote. Les États-Unis et à son service. America eko na mtumikia. C'est pourquoi vous remarquerez. Je commande mutaona. Dans ce que les États-Unis font. Mwile America eko na fanya. Ils sont côte à côte avec l'Europe. Beko mumoja na Bulaya. Trump n'a pas compris. Trump asikuelewe. Dieu l'a envoyé. Mungu alimtuma. Pour qu'on reconnaisse Jérusalem comme la capitale unique de Jérusalem et des Juifs d'Israël. Mapate kukubali ya kwamba Yerusalemu ndio mji mkuu wa Israeli. Mais il n'a pas compris les yeux mondiaux. Asikuelewe namna kani kutenda kwa ulimwengu. C'est pourquoi on l'a balayé. Donc on a balayé. Bali mtosha kwa haraka pakiti ya mfalme sawa mtoto kidogo. Sa politique est dépassée. Siasa yake inapita, inakuwa nyuma. Il a subi un complot mondial. Ari pata mapiko ya complot ya ulimwengu mzima masikilizane ya ulimwengu. Pour qu'il soit gardé. Ili wapate kumtosha pa madaraka. Regardez quand on a proclamé nasama, le nouveau président américain. Nasama wakati walitangaza huu raisi mupia wa Amerika. Tous les puissants du monde. Batu bote ba uwezo ba ulimwengu mzima. On félicité. Bari mupikia mikono. John. Uyu Joy. Pourquoi? Dianini. Parce qu'ils veulent renouer les alliances pour que les prophéties s'accomplissent. Trump a fait son temps. Trump il a fait ce qu'il devait faire, c'est fini. Il devait passer. Mais regarde depuis que celui-ci est venu. Et vous verrez ce qui va se passer. Parce que quand il commence d'abord, par nommer un homosexuel comme communicateur, c'est un faux message. Vous voyez bien, mes frères. L'Église catholique commande tout avec le pape à la tête. Na papa kukichwa. Il est un chef politique. Il est un chef religieux. Ni mkubwa wa dini. Un chef spirituel. Na ni mkubwa wa kiroho. Et même les protestants. Hata ba protestanti. Comme je le disais hier. Vile nalisema jana. Ne peut plus protester. Na waweze tena kubishana naye. Ils sont embarqués dans son bateau. Bo wanaingia msafari yake. C'est vrai, frère. Bia kweli. C'est vraiment ça. Bien quoi, dada. L'Union européenne. Mungano yabulaya. Et en même temps. Ikotena. La base. Msingi. Du gouvernement mondial. Ya. Serikali ya ulimwengu. L'Europe unie. Mungano ya Bulaya, c'est même la base yoyenjo musingi du gouvernement mondial ya serikali ya ulimwengu mzima qui est allié à la capitale mondiale yenye kuungana na mji mnene ya ulimwengu a Vatican, ku Vatican, a Rome, ku Roma, qui exercera son pouvoir ile itatumiaka uwezo yake. Aujourd'hui, ce gouvernement mondial exerce déjà son pouvoir, mais à faible mesure. Il n'y a que l'épouse qui voit cela. Ni paka bibi arusi njoko na iona. Mais le reste déjà ici ne voit pas cela. Mabaki aba bantu bote ababione. Ce que vous entendez ici, vous n'irez jamais dans les groupes de prière pour qu'on vous enseigne ces choses. Les méthodistes, on ne peut pas vous enseigner ces choses que vous apprenez ici. Ma église pentecôtiste, toutes ces églises pentecôtistes, et les assemblées malades, vous ne les entendrez jamais prêcher. Ce que nous vous disons, c'est la lumière, les repasses de l'épouse, afin de l'éclairer, directement dans ses peines de jours qui lui reste à faire. Que Jésus-Christ ne vienne les prendre. Le gouvernement mondial qui a comme base l'Europe unie est déjà à l'œuvre. Regardez ce qui se passe aujourd'hui politiquement. Quand un président d'un pays commence à compliquer les multinationales, où l'Europe ne trouve pas d'intérêt et les États-Unis dans l'économie de ces pays-là, regarde comment ils font. L'Union européenne donne des sanctions. Mungano ya Bulaya inampika malipisi. Ministre, tel ministre. Raisi nani? Tel ministre. Ministre fulani. Ne peut pas piétiner l'Europe. Awezi kama ukanyanga Bulaya. Tel président. Raisi fulani. ne peut pas avoir du visa pour visiter l'Europe. Awezi kama kupata cheti juu ya kwenda Ulaya. Vous avez vu sous le régime Kabila? Muriona uongozi ya Kabila. Les Mende. Ba Mende. Ne pouvait pas voyager. Hawakuwezi kama kusafiri. Vous voyez? Munaona? Tous ces gens qui étaient comme des piliers du régime Kabila, ya Kabila ont été sanctionnés bali pizza. Par l'Europe unie Wabulaya, et les États-Unis. Wabulaya, na America. Quand Kabila lui change, wakati Kabila naye anabadilika, la loi minière, anabadilisha sheria ya madini. Ba Amerika ba Bulaya wanaangalia hamuna faida yao. Les Européens voient. Ba Amerika wanaangalia hamuna faida yao. Mu Congo njo muko Mali. Yo Congo kia la richesse. Ki Mali yote. Toute la richesse. Qui connaît tout ça idia? Tu fais un portable pour fabriquer. Tu couilles le portable. Qui dit biote? Ma avion. Toutes les choses ici la fabrication des avions. Na ma minerai ya Mukongo. Amarifa inendelea na maibwe kukataza babulaya. Aux Américains de ne pas exploiter. Na ba Amerika basi chimbule madini Mukongo. Vous votre mort. Weye unamanake unatafuta ukufe. Désordre yote kweste. Tout ce désordre que vous apprenez à l'Est. Ce n'est pas que ni ici ba Congolais qu'on appelle d'affujo, non. C'est nous les Congolais qui aimons le trouble, non. Les sangs inversés. Badri, les sangs inversés, damu inamwangika, parce que les Européens, babulaya, les Américains, l'Amérique, veulent prendre, wanapenda kuchukua, à moins cher, bei ya chini, les matières premières, mali ya majiwe ya damani. Comme ils sont puissants, ba ils uwezo, utilisent les armes, banatumia masila, ils utilisent la radio, banatumia maredio, ils utilisent les journalistes, ils payent les gens, banalipa watu, pour diaboliser les autres, pour wapate kuteswa wengine. Pour tuer Kadhafi, ils avaient besoin du pétrole. Pakuwa Kadhafi, nini ni walikuwa natamani? Watamani tu pétrole. Comme Kadhafi, sawa Kadhafi voulait que alipenda ya kwamba les noirs, les africains, batu wa Afrika fasse l'union africaine. Bafanye muungano ya Afrika. Qu'ils aient leur propre banque. Na boba kwa na benki yao. Et lui s'était porté comme garant. Ye alichukua bali. Que tous les africains pouvaient aller là. Ya kwamba ba africains bote walipashi kwenda kule. Et prendre un emprunt sans avec zéro intérêt. Kuchukua deni bila kulipa na faida. L'Europe unie ne pouvait pas. Na muungano ya muungano ya Bulaya haikupashi kubali ile. On l'a tué comme un petit chien. Bali muua sawa imbwa kidogo. Quand Saddam Hussein ne voulait pas faire du pétrole, les Américains et les Européens avaient besoin du pétrole. Avait besoin du pétrole. Mais on l'a tué comme un rat. Vous voyez, Munaona. Vous vous opposez comme la Bible dit. Ukipinganisha, vile Biblia nasema, elle fait descendre du feu. Atashusha moto. Les bombes vont tomber. Ma bombe itanguka. C'est ce que l'Écriture dit. Dieu qui l'a indiqué qu'on a sema. Vous voulez jouer? On a peine d'accueillir. Regardez dans Apocalypse chapitre 13. Dans un énigme funu au sura comme natatu. Dans le verset 13. Misara comme natatu. Elle opérait de grands prodiges. Alors quand elle tenait ma jambe, elle faisait descendre du feu du ciel sur la terre, à la vie des hommes. Kufika na mkushusha moto toka mbingu kuanguka pa dunia kutoka kwa watu. Elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête. Alikuwa anatongoza bakaji wa pa dunia kupitia maajabu ile ilimletea disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête. Nakwambia wakaji hapa dunia kwamba wafanye picha ya nyama. Qui avait été blessé par l'épée et qui vivait. Ile iliumizwa na mpanga lakini ile nyama ilikuwa naishi tena. C'est l'Europe unie. Ni Bulaya, muungano ya Bulaya. Avec la division de l'Allemagne. Na kukabulana kwa Ujerumani. Il y a l'Allemagne de l'Est et de l'Orient, de l'Est et de l'Ouest. Pourquoi Ujerumani ya asubuhi na angalidi. La bête fut blessée. Na ule nyama aliumizwa. Maintenant, celui qui fait des miracles ici, c'est l'Amérique. Ni America. Il est fait en présence anaifanya de la bête qui a été blessée. Ya nyama ule aliumizwa. Quand tu joues, elle fait descendre les feux du ciel sur la terre. Ce sont des bombes. Saddam Hussein a vu cela. Saddam Hussein a dit on a eu. Elle travaille, l'Amérique travaille dans les comptes. Amérique est natumikia. De l'Église catholique. Mufaida ya kanisa katoliki. De l'Europe unie. Mufaida ya muungano ya Bulaya. C'est vrai frère. Ni kweli nduku. C'est pourquoi cette église. Joko mana hii kanisa. Elle est terrible. Iku ya chabu ya ya hatari. Elle est épouvantable. Ya Kongo pesha. Elle a la force du fer. Iku na nguvu ya kutenda. C'est vrai. Ni kweli. Mais quand vous voyez, sasa mukiona, elle semble être comme, elle semble comme être un agneau. Inaonekana sawa mwana kondoo. Mais elle a un cœur méchant. Alakini kuna moyo mbaya. C'est vrai, frère. Ni kweli nduku. Dans sa méchanceté, muro yake mbaya mule, elle a tué. Elle est juive. Elle est chrétienne. Il y a na wa Yuda na wa Kristo. Elle a un cœur rempli de démons. Iko na moyo yenye kujala na mademona. C'est quoi vous voyez? Je comprends mukunaona. L'Europe unie comme la base du gouvernement mondial. Muungano ya Bulaya sawa musingi ya serikali ya ulimwengu. Ce gouvernement est déjà opérationnel. Hii serikali inaishaanza kutumika. Mais pour que cette opération soit vue de tout le monde, kuonekane na watu wote, il faut que le Saint-Esprit inapashi Roho Mtakatifu achève avec l'épouse. Amalize kwanza na bibi harusi. Quand l'épouse sera au complet, wakati bibi harusi ateneana, et après que l'enlèvement ait lieu, na kisha kunyanyuliwa kufanika, ce qu'elle fait, ile bibi bibi oui, ce qu'elle fait, ce que Rome fait, ile Roma, ce que Vatican fait, ile Roma, ce que le pape fait, ce que nafanya, le Roma fait, muungano wa Bulaya anafanya, kile Vatican wala papa anafanya, faiblement, kwa upole, va se révéler au grand jour, itaonekana sasa waziwazi mbele ya watu wote. Et cette église, na hii kanisa, qui joue un rôle important dans l'accomplissement des prophéties du temps de la fin. Ile una kazi mnene mkutimilika kwa nabii wakati ya mwisho. Le 30 décembre. Le 30 1993. Elle a conduit les débuts des négociations. Il peleka mwanjo ya masikilizano entre Israël, katikati ya Israeli, Vatican lui-même, na Vatican yenyewe, organisation de la libération de la Palestine, matengenezo ya kuacha uhuru kwa Palestine, et tous les états arabes, na mainchi yote ya Waarabu. Et le 30 décembre, na le 30 décembre 1993, ils ont signé ces pays que je viens de citer, mkutaya, les débuts des négociations. Mwanjo ya masikilizano. Je m'attire votre attention. Mina pendo misopesha. Vous voyez que munaona ya kwamba, vous avez bien suivi. Kama mulifata mzuri, et si vous suivez bien, kama muku nafata mzuri, l'Église, le pape, papa, est pressé. Eko, il est pressé. Eko araka. Eko araka. Des négociations, le statut de Jérusalem. Eko araka mkufanya matema masikilizano ya. J'ai déjà expliqué ça. Les statuts de Jérusalem, de la ville de Jérusalem. Ah, Julia Ali ya muja Jérusalem. Pour que Jérusalem, Jérusalem soit la capitale mondiale de cette trois religions, comme nous l'avons déjà expliqué. Mujimunene, mzima, ya madini tatu, vile chaque pape brûle pour que Jérusalem soit reconnue Jérusalem comme la capitale julikane de ces trois religions mondiales. Za mujimunene, ya madini yote tatu. Toutes les négociations yote. Qu'ils entament pour la conclusion de cette alliance. Il est reconnu à de Daniel 9, verset 7, est un échec, est toujours un échec. Pourquoi? Parce que le temps de Dieu n'est pas encore là. Pourquoi Dieu travaille encore avec l'épouse? Pourquoi Israël n'est pas encore prêt? Vous dormez? Et pour rafraîchir votre mémoire, cette alliance se fera, cette alliance sur les statues de Jérusalem, comme la capitale mondiale, cette religion se fera après l'enlèvement de l'épouse. Mais le 30 décembre 1993, une signature du début a été signée entre Israël, Vatican, OLP et les États arabes. Mais ce n'est pas encore ça. Arakina yafika ile wakati. Ce n'est pas encore cette alliance. Pas cette alliance sera pour une semaine après le départ de l'épouse. L'épouse de Kambov qui entend cela. Bibi Arusi wa Kambov ule anasikia vile. Quel est-il? Ni wakati gani? Voyez. Munaona. Le 13 septembre. 13 septembre 1993. Les négociations sur les statuts finaux de Jérusalem. Masikilizano yulu ya ali ya mwisho ya mji wa Yerusalemu. Fut signé. Maritia Sayuni. Fixant que dans 3 ans. Yenye kuweka mpaka ya kwamba mumiaka. Les négociations. Hii masikilizano. Prendre fin. Itamalizika. Le 13 septembre, très important. 13 septembre 1993. À Washington. Pour le coup, Washington. Les négociations. Masikilizano. Sur le statut final de Jérusalem. Yuluya ali ya mwisho ya muji ya Yerusalem. Fut signé. Balitia saini. Fixant que dans 3 ans. Nakutia mipango ya kwamba mumiaka 3. Les négociations prendraient fin. Ile masikilizano bataimaliza. Et quand cette signature fut signée. Wakati balitia saini yule ya masikilizano. Après cette signature. Kisha ile saini. Henri Kissinger. Un politicien juif. Mufanya siasa wa Kiyuda. S'écria après la signature. Akalalamika kisha kutia saini. Peres. Ya kwamba salama. Est tombé dans le piège. Peres. Peres ananguka mtego. C'est le président. Ni araisi. Ah wow. C'est le président. Ni araisi wa Israël. Wa Israeli. Mais ça a avorté. Alakini abikuwezekani. Mais vous, quand vous dormez là, mweye wakati munalala, mais Satan lui travaille. Shetani yeko natumika. Il fait des incursions. Anafanya dans la prophétie. Kushambulia kidogo maunabii. Ça avorte. Abiwezekane. Si ces négociations. Kama hii masikilizano. Avait réussi. Kama iliwezekanaka. Ce serait comment? Ingefanika je. Et pourtant, de telles négociations Yapo, masikilizano ya hivi, visent l'accomplissement de Daniel 9, verset 27. Cette alliance d'une semaine. De l'antichrist avec plusieurs. Il n'y a que des aveugles qui ne voient pas. Harry a juste là. Harry, il a vile na kusema. Ce politicien, il dit. Ule mufanya siasa. Avec cette signature. Asema na ile saini ile. Perez est tombé dans le piège. Oui, ya raisi Perez unaingia mumutego. C'est Satan. Ni shetani. Et vous devez retenir. Munapashi kushika. Que cette alliance ne peut jamais se faire aussi longtemps que l'épouse est sur la terre. Et toi, tu dois te poser la question ce soir. Qu'as-tu dans ton cœur? Où est-ce que tu en es avec ton Dieu? Vous continuez à faire des blagues. Unaendelea kufanya mizaa, michezo. Tu vas récolter. Utavuna. Nous sommes à la fin. Tunashafika mwisho. Nous ne sommes pas au début de l'âge. Hatuna kumwanjo ya kizazi. Nous sommes à la fin de l'église. Tunashafika kumwisho wa kanisa. Au début de l'église. Hatuna kumwanjo ya kanisa. Je vois même des démons aujourd'hui pour déstabiliser les églises. Niko naona hata mademona leo juu ya kuangusha kanisa. Écoutez frère. Tazameni, sikilizeni ndugu. Mui wakati tuko naishi. Dans cet âge dans lequel nous vivons. Haina tena wakati ya kwanza makanisa. Ce n'est plus l'époque de commencer les églises. Mtu anatoka mkanisa. Quelqu'un qui quitte l'église. Anaenda kuanza ka kioske yake. Va commencer avec son kioske. Pour aller avec sa où. Voyez frère. Munaona ndugu. Voyez bien les messieurs. Munaona dada mpendwa. Bantu wote wenye kuacha neno la Mungu hapa sasa. Toutes les personnes qui abandonnent la parole de Dieu. Pour commencer les églises. Je accomplis les méchants. Ne peuvent pas. Les méchants. Ne peuvent pas demeurer. Dans l'assemblée des justes. Mumikusaniko ya benye yaki. Kanisa inanifuata. Nous sommes à la fin. Tunashafika mwisho. Parce qu'avant que l'épouse ne parte. Wani mbele ya bibi harusi kuenda. Avant que la puissance du troisième poule. Mbele ya uwezo. Ne se sur la terre. Ya kipande hata tukitoka pa dunia. L'église épouse. Kanisa bibi harusi. Doit être nettoyée. Inapashi safishwe. Fwa bana ma prêcher message. Ubrana marubiri ma ubiri. Le temps de l'union. Wakati ya muungano. Dans ce temps. Ni wakati. L'épouse. Bibi harusi. Fini à la parole. Anajiunga kuneno la Mungu. Les déliminations. Ma mazebu. Fini dans le conseil mondial des églises. Na wao wanajiunga mkusaniko mzima ya ulimwengu mzima ya makanisa. Regardez dans notre politique nationale. Tazameni hata mu siasa yetu ya inchi ni wakati ya muungano, ni wakati ya muungano. Makabila yanaungana. Kama kwa kitu kia ovyo sana ma gouvernement yetu ilifanya. Dia quelque chose de mauvais que notre gouvernement a fait. Congo, c'est de kuleta ma province. De diviser le Congo. Kupatia ma province kwa Bakaji. Ile ni kosa munene. Regarde comment le tribalisme. Tazameni sasa. Ubaguzi wa kikabila. Ubaguzi wa kikabila inatawala. C'est une grosse erreur. Il quoi ni kosa mnene? Que le gouvernement Kabila avait fait. Il est serikali ya Kabila ilifanya. Ils ont légalisé le régionalisme et le tribalisme. Bari tikia ya kwamba ni halali. Vous trouvez dans une promesse. Jimbo ilongoze yao tenyewe. Donc la même langue. Utakuta mujimbo fulani, jimbo mzima watu wanaongea tu lugha moja tu. Est-ce que cela résout des problèmes? Est-il l'état djibu? Non. Apana. Ils n'ont fait que créer d'autres problèmes. Bali chokoza tu mambo ingine inanza. Nous sommes au temps de l'union. Tuku mwakati ya kuungana. Kama uko mtoto wa Mungu. Si tu es un enfant de Dieu. Jo wakati. C'est ça le temps. Ungane na neno la Mungu. De finir avec la parole de Dieu. Kama si tu es mon fagnon siasa, c'est ça l'état. Là où les politiciens quittent l'église pour s'unir dans la politique. Les tribalistes, la Kabila s'unit avec les autres tribalistes. C'est la fin. Ni moisho. Jésus-Christ est à la porte. Jésus-Christ est kokumulango. Et depuis que l'Église catholique, Tangia kanisa catholique, avait échoué, Tangia ilishindwa, il voulait gagner tout le monde par la violence. Il penda epate bantu bote kupitia ukali. La vie que ce n'était pas une bonne politique. Il y en a quoi, il a écouté si à Samzuri. Mystère Babylone. Siri Babeli. Avait changé de tactique. Alibadirisha namna ya kutenda. Avait adopté une autre politique de la non-violence. Alichugua siasa ingine ya kukosa kukandisha batu. Pour gagner le monde entier. Ya kupata ulimwengu mzima. Et celui qui le fait. Na ula naifanya. Pour dominer le monde entier, pour que l'influence et la domination de l'Empire romain jusqu'aux extrémités de la terre, comme il est maintenant, c'est lui qui a joué le grand rôle, c'est le pape de Rome. Dans 2 Corinthiens, je prends 5 minutes. Na michugua dakika mbili, tano. Deuxième Corinthiens. Wa Korinto wa pili. Dans son verset, son chapitre 11. Sura yake ya 11 wa Korinto. Verset 13. Mstari ya 13. Jusqu'au verset 15. Jusqu'à la mstari ya 15. Ces hommes-là sont des faux apôtres. Wale watu ni wa mitume babongo. Des ouvriers trompeurs. Wafanyakazi babongo. Déguisés en apôtres de Christ. Wanajificha wa mitume ya Kristo. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ce ministre aussi se déguise en ministre de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Frères, cette église Ikanisa, qui se réclame sainte, il est najita takatifu, mais qui a le sang alakini yenye kwa na damu de tous les saints en son sein, bote ndani yake, c'est horrible, frère. Ni atari ni akogopesha ya mbaya. Vous savez comment munajua namna gani Vatican est devenu un État indépendant en Italie. Namakani Vatican inakuwa inchi yenye kuwa na utawala yayo peke yayo mu Italie. Mussolini, c'est Mussolini. Ni Mussolini. Qui céda au pape Jean-Pierre et qui céda au pape Pie XI? Jali umpatia kawi au pape Pie wa 11. En 1929, comme l'Italie, Rome, ça va ville Italie, Roma, avait connu une banqueroute. Il fataka, il est angukaka. Mussolini voyant cela. Mussolini vila liona ya kwamba inanguka. Qui ne voulait pas ya kwamba sikupende. Que Rome connaisse faillite. Roma na ya pate kuanguka muchumi. Mussolini dans sa ruse. Mussolini umbu. À 1929. Il cède au pape. Akampatia. Puis 11. Papa. L'État de Vatican, inchi ya Vatican comme un territoire indépendant et souverain. Sawa inchi yenye kwa na utawalo yayo na yenye kujongoza yao yenyewe. Pour sauver sa banqueroute. Jako okoa kuanguka kwaye muchumi. Mais dans toute l'histoire, mwadisi yote mzima, Mussolini, ce sont les gens qui ont tué les Juifs. Mussolini njo batu baliua Bayuda. Les Hitler, tous les gens qui ont tué les Juifs. Mais regardez, même Hitler, que tout le monde sait que c'est un démon. Hitler, ou le batu bote banajua se mani démona. Hitler fut proclamé Hitler comme un fils de l'Église catholique. Sawa mtoto wa kanisa ya katoliki. La parole de Dieu a raison. Neno la Mungu kuna sheria. L'Église catholique, kanisa katoliki, pour s'enrichir, ya kutajirika, il s'est battu sa fortune. Alipata fedha yake. Yulu. Les traites des noirs. Yulu ya kutesa kuzisha watu weusi. L'esclavagisme. Kuzisha kuchukua watumwa. L'Église catholique. Kanisa katoliki. N'est pas venu au Congo. Haikukuja au Congo. En Afrika. Pour prêcher le salut. Ya kuhubiri okovu. Le salut. Okofi ya watu hapana. Pour prêcher le Saint Jésus Christ. Ya kuhubiri Bwana. Cela est faux. Ni bia bongo. C'est l'Église catholique de Rome. Ni kanisa katoliki ya Roma. Qui était à la base. Ndio ilikuwa katika msingi. De la traite des noirs. Ya kuteswa kuuzisha watu weusi. Kuvachukua saba watumwa watu weusi. Na kubauzisha. C'est ça l'Église Seigneur sur la terre. Eti ndio kanisa ya Bwana pa dunia? Non. Hapana. Ni yake de profane. Mungu paka bajinga. Kali katoliki disent non. Wakati wa katoliki wanasema hapana. L'Église catholique qui vous a pris Jésus. Ni katoliki. Le Jésus kanisa de catholique la vie mifundisha Yesu. Est différent de notre Jésus. Yesu wa katoliki anachana na Yesu wetu. C'est un mensonge. Ni bongo mtupu. Et quand nous voyons ces choses, frère, wakati tunaona hivi vitu, nduku, nous sommes un peuple avisé. Tuku taifa yenye kujulishwa, kukalamushwa. Nous n'allons pas marcher dans les ténèbres. Atutatembea kama magiza. Nous mabintu biote bibaya. Dans toutes les mauvaises choses. Bien l'histoire qui se sont accomplies dans ce monde. Une arrivifouanya. L'Église catholique. Ni kanisa katolika. Pour avoir l'argent, on a coupé les mains des gens. Barikata mikono ya watu. On a crevé les yeux des gens. Baritobola macho ya watu. On a vendu les gens. Baliuzisha watu. On a maltraité les gens. Bariteswa bantu. La plupart des Noirs américains. Bamingi bale beusi benyu kwa Muamerika. Ce sont des Africains qui étaient vendus par l'Église catholique. Ni Baafrika bale baliuzishiwa na kanisa katoliki. L'Église catholique n'a jamais été kanisa katoliki. Dans l'évangélisation. Yo balo kupatikana ka. Pour le salut des âmes. Non. Kupasha injili juu ya wokovu ya manafsi hapana. Pourquoi il a fait? Juu ya nini ilifanya vile? Il accomplissait son devoir. Il quoi natimiza mapasho yayo. C'est Satan. Ni shetani. Son problème. Mambo yake. C'était dominer la terre. Ni kutawala dunia. Surtout gagner l'argent. Unaisha na kupata fedha. Être fort. Akuwe wa nguvu. Économiquement. Mkiuchumi. Politiquement. Mkisiasa. Militairement. Mkiujeshi. Il atteint son objectif. Na anapata kifukuzio yake. C'est pourquoi. Ndio kwa maana. Dans la guerre d'Armageddon. Muile vita ya Armageddoni. Dieu s'occupera d'elle. Mungu atamwangaikia. Quand les dix rois. Wakati wale wafalme kumi. Les dix cornes. Mapembe kumi. Les dix rois. Wafalme kumi. Viendront de l'Orient. Watatoka kule kwa asubuhi. Voyez. Mnaona? Quand ils viendront de l'Orient. Wakati watatoka kwa asubuhi. Dieu s'occupera. Mungu atangaikia. De Rome. Ah, ataingaikia hii Roma. La première bombe. Bombe ya kwanza. Va d'abord clouer les États-Unis. Kwanza itaribisha Amerika. Parce que ce sont les États-Unis. Kwani ni Amerika. Qui protège Israël. Kwa na kinga Israël. La deuxième bombe. Vita ya kwanza. Va anéantir. Bombe ya kwanza itateketeza. Vatican. Et Frère Branham l'a vu. Na ndugu Branham aliona muono. La fin de l'Amérique. Frère Branham l'a vu. Mwisho ya Amerika. Ndugu Branham aliona. Il a entendu. Alisikia. Une grande explosion. Kapata kanene. Derrière lui. Mkongo ya nyuma yake. Et quand il a tourné les cartes pour voir. Aligeuka juu aone. Il a vu l'Amérique en feu. Aliona Amerika na waka moto. Et cette bombe là. Ile bombe ile. Viendra des Russes. Itatokea kwa Russia. Pour punir. Ya kuapiza. Et les États-Unis. Na wa Amerika. Et l'Europe. Na Bulaya. Et Vatican. Na Vatican. Il n'y a plus de temps mon frère. Hakuna tena wakati ndugu yangu. Si tu es prédestiné à aller dans l'enlèvement, vous aurez un cœur prédisposé comme celui de Daniel. Lorsqu'il lit la prophétie de Jérémie, il comprit qu'il ne restait que 2 ans pour retourner. Il a commencé à jeûner, il a commencé à prier pour que Dieu apprête son cœur. Quel recul? Ni wakati gani? Si vous êtes de Dieu, kama muko ba Mungu, vous allez vous réveiller. Mutaamuka. Vous n'aurez pas la paix. Amutakuwa na salama. Vous n'aurez pas de repos. Amutakuwa na mapumziko. Jusqu'à ce que vous soyez scellés du véritable Saint-Esprit. Kana pale mtatiwa muri na Roho Mtakatifu ya kweli. Hapana hiyo mtakatifu, beko na uza mapesa. Na kuwekewa kwa mikono hapana. No. Hapana. Où les gens tombent, tombent en arrière. Dans la présence de Dieu, on tombe la face contre la terre. Dans les expériences démoniaques, on tombe en arrière. Où es-tu? Uko wapi? Et que fais-tu? Na unafanya nini? Unasikia nini? Unachunga nini? Jésus-Christ vient. Yesu Kristo yuko nakuja. Et Jésus disait. Na Yesu alikuwa anasema. Veillez. Mukeshe. Et priez. Na muombe. Pour échapper. Ja kuepuka. À ces choses. Kuibi vitu. Veillez. Mukeshe. Et priez. Na muombe. Le Fils de l'homme. Mwana wa mtu. Est à la porte. Eko kumlango. Que le Seigneur. Mwana. Vous bénisse pour ce soir. Anibariki juu ya magharibi ya leo. Levons-nous pour la prière. Tusimame juu ya maombi. Et celui qui a des oreilles. Mwenye kwa na masikio. Entende. Apate kusikia. Si tu es destiné à la perdition. Kama ulitayarishiwa juu upotee. Certainement tu iras. Hakika utaenda. À la perdition. Mukupotea. Si tu es destiné à aller en l'enlèvement. Kama ulitayarishiwa kwenda mkunyanyuliwa. Ton cœur. Moyo wako. Va chercher la face du Seigneur. Utatafuta uso wa Bwana. Prions. Tuombe.